bonsoir à toutes et à tous. C'est Thierry Gallet. J'espère que vous allez bien, que tout va bien se passer. On est le 6 septembre et on ouvre officiellement la 40e saison de la saga des Fab Four. Oui, messieurs, dames. Aujourd'hui est un programme XXL, 3XL même pour être exact. Il y aura pratiquement, je crois, l'intégralité de l'album New, qui est l'album de la semaine de Paul McCartney il y a 10 ans déjà, en 2013. On écoutera New, Save Us, Alligator, On My Way to Work, Queenie Eyes, Early Days, Everybody Out There, I Can Bet. Et il y aura le rab, puisqu'on va durer un petit peu plus longtemps, Looking at Her, Turnout et Road pour terminer. 50 chansons de programmées. Il y aura également du Lennon, du George Harrison et du Starr. Pour Lennon, ce sera Stand By Me en 1975. Il y aura également pour George Harrison, I'd Have You Anytime en 1970 sur l'album All Things Must Pass. I'm the Greatest chantera Ringo Starr sur Ringo en 73. Quant aux Beatles, on commencera bien avec une chanson qui a 60 ans déjà. Nom de Zeus, qu'est-ce que ça passe vite. Ce sera I Saw Her Standing There sur l'album Please Please Me en 1963. Bien sûr, vous nous retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et la saga commence dès maintenant. On est parti pour 3 heures ensemble sur RIG 90.7 qui est la radio des Beatles. C'est pas nouveau et pourtant, c'est new, l'album de la semaine. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. John Lennon en 1975, Stand By Me. Les origines de cette chanson, qui est de Ben E. King en 1961, les paroles et la musique s'inspirent du gospel Lord Stand By Me, écrit par le révérend Charles Albert Tinley en 1905, et enregistré en 1916. Par la suite, cette chanson a été réécrite par The Beautiful en 1928, puis Sam Cooke et G.W. Alexander en 60 pour l'ancien groupe de Cooke, The Soul Stirrers, avec Johnny Taylor en chanteur lead. La chanson de Benny King est la première version séculière de ce morceau. Cette chanson obtient un énorme succès en Amérique et dans le reste du monde. Elle a été reprise plus de 400 fois. On va pas tous les citer, mais évidemment John Lennon, Adriano Celentano, Dalida, Paul Anka, The Temptations, The Isley Brothers, Johnny Hallyday, mais oui, Otis Redding. Il y en a d'autres, je regarde Bruce Springsteen, U2, Vanessa Paradis en duo avec Willie DeVille, et d'autres. Donc c'est une chanson absolument très très connue et très très bonne. Voici une autre chanson très très bonne. Monsieur George Harrison en 1970, qui selon ses dires s'est retrouvé en meilleure forme une fois avoir quitté les Beatles, parce qu'il avait l'impression d'être un peu constipé chez les Beatles, c'est-à-dire qu'il retenait ses chansons. Parce que John et Paul, ils lui disaient toujours « Ouais, ta chanson, elle est bien. On va en faire une ou deux à nous et après, on aborde la tienne. » Et puis, la plupart du temps, il avait le droit à une ou deux chansons sur le disque et pas plus. Alors que, avec le temps, à partir, on va dire, de 1968, même si avant, on peut encore en discuter, il faisait des chansons d'aussi bonne qualité que ses copains John et Paul. Donc, en 1970, on se relâche et on sort l'album « All Things Must Pass » dont voici un titre « I'd Have You Anytime » sur RIG. En 1973, on n'a jamais été aussi proche de la réunion des Beatles, puisque sur l'album Ringo, il y a eu Paul McCartney avec Ringo, ou John Lennon et George Harrison, plus ou moins ensemble, avec Ringo, mais jamais Paul McCartney, Ringo, John et Paul, ensemble au même moment dans la même pièce. On n'en était pas loin, chacun a donné sa contribution, dont John Lennon avec ce titre « I'm the greatest ». Le commentaire de John Lennon au sujet de cette chanson, c'était « Si je dis que je suis le meilleur, on va trouver que j'ai un ego d'enfer. Alors que si Ringo dit « je suis le meilleur », on va le trouver sympa, donc je vais la filer à Ringo. » Back home in Liverpool. My mama told me I was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. Applaudissements et le public que l'on entend lorsqu'il dit « Yes, my name is Billy Shears », ce sont les mêmes, la même bande-son qui a été utilisée en 1967 pour Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. On a écouté tour à tour le McCartney, New, on a écouté John Lennon avec Stand By Me, George Harrison avec I'd Have You Anytime, et puis un instant I'm the Greatest de Ringo Starr. Avant d'écouter les Beatles, il faut passer par celle qui nous dit tout, celle grâce à qui on peut tout savoir sur les Beatles. C'est Lovely Rita et son Beatles Magazine. Oui, mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga. C'est la saga. two, three, four! Titre du premier album des Beatles en 1963, 60 ans déjà. Le producteur George Martin avait d'abord envisagé d'enregistrer les Beatles en concert au Cavern Club de Liverpool, mais les contraintes techniques trop importantes firent que ce projet fut rapidement abandonné. Ils prirent donc le chemin du studio où on leur demanda d'enregistrer les titres prévus en conservant la structure d'un concert et de préférence en une seule journée. C'est ce qu'ils firent le 11 février 1963, date à laquelle ils enregistrèrent en 15 heures les 10 morceaux qui, ajoutés aux 4 faces de leurs 2 45 tours, formèrent l'album Please Please Me. Le choix de I Saw Her Standing There pour ouvrir l'album était excellent, car le morceau replaçait directement le groupe dans son contexte de salle de bal surchauffée où dansaient des adolescentes transies d'adoration. Ils décidèrent de conserver le décompte de départ, 1, 2, 3, 4, qui évoquait autant les concerts du Cavern Club ou du Star Club que l'idée première de George Martin. I Saw Her Standing There, dont le titre fut longtemps 17, raconte l'histoire très simple d'un garçon qui voit une fille danser dans la salle de bal de son quartier et décide, après avoir jugé sa beauté sans comparaison, de ne jamais danser avec une autre qu'elle. Les paroles conjuguent parfaitement l'arrogance adolescente et le manque d'assurance, lequel se révèle à mesure que l'histoire progresse, parce que on ne sait pas si le garçon a envisagé la possibilité d'un refus au moment où on nous dit, dans une rime magnifique, que son cœur fait boum quand il traverse la pièce, pour aller lui parler. Paul composa les bases de cette chanson une nuit de 1961, alors qu'il rentrait chez lui en voiture. L'idée de parler d'une jeune fille de 17 ans lui plaisait. Bon, en 1961, Paul avait 19 ans, donc c'est encore raisonnable, on va dire. Donc je ne pensais pas à grand chose, j'avais juste une mélodie et quelques vers dans la tête, raconta-t-il 4 ans plus tard. À l'origine, les paroles étaient « She was just 17, never been a beauty queen », c'est-à-dire « Elle avait que 17 ans, mais elle n'avait jamais été une reine de beauté ». Et la rime me plaisait, mais lorsque je l'ai jouée à John le lendemain, je me suis aperçu que c'était mauvais, et John aussi. Alors on s'est assis, on a essayé de trouver une autre rime, quelque chose de beaucoup mieux. Il réfléchit un moment et John finit par proposer You know what I mean? Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup plus sans attirer trop l'attention, beaucoup plus sous-entendu de sexuel éventuellement. En tout cas, ça marche très très bien et c'est une très très bonne chanson que Paul chante encore régulièrement et c'est très bien, c'est un bon rock. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là de l'album de la semaine, pas de l'album de la semaine, du premier album des Beatles en 1963. Je vous propose deux Ringo Starr. Le premier de 74, le deuxième, on reviendra aux Beatles en 1963. Le premier titre, c'est une chanson qui me plaît énormément, qui est passée inaperçue, mais je vous la propose régulièrement, c'est Husbands and Wives, une chanson mélancolique qui va très très bien au timbre de Ringo Starr. Et la deuxième, ce sera Boys, chantée par Ringo Starr avec les Beatles. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number. Bop, bop, shoo, hey, hey, bop, shoo, up, yeah, bop, shoo, she say you ça vous plaît, on reste dans le rock. Un an plus tard, 1964. Quelle belle année. Just let me hear some of that rock. No kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, I took my love on over across the tracks. As he began a man away at his head, I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep a rockin' that piano. That's why I go for rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, bien sûr RIG 90.7 ou www.rigfm.fr pour Bordeaux et sa banlieue, la France, l'Europe, le reste du monde, voire peut-être l'univers, sait-on jamais. En tout cas, merci d'être présent. C'est la 40e édition, 40e année de cette émission, la saga des Fab Four. On va la fêter au mois d'avril l'année prochaine, puisque j'ai créé cette émission quelque part en 1984 et vous me permettrez de vous proposer, de m'excuser, de ne plus me souvenir quel jour et quel mois. Je me souviens très très bien que c'était en 1984. Et comme mon anniversaire c'est dans le mois d'avril, j'ai décidé que arbitrairement j'ai dû la commencer au mois d'avril 1984. Donc on fera la fête. On avait fait la fête en 2014 pour fêter les 30 ans. En 2024, on va fêter les 40 ans et ce sera ici sur RIG 90.7, qui est vraiment la radio des Beatles, la seule émission hebdomadaire sur les Beatles. Du mois de septembre jusqu'au mois de juin, c'est ici. Nous restons en 1964. Il est rare que des chansons soient reconnaissables dès la première note. Celle-ci, elle l'est. On fait une seule note et tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est la première chanson qui a donné son titre à l'album en 1964. C'est un film aussi. A Hard Day's Night. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel dog. It's been a hard day. L'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est New, sorti en 2013, il y a 10 ans déjà, par Paul McCartney, un excellent album que je vous conseille. Voici le deuxième titre, Alligator, sur RG. Ok. They got someone setting them free, someone breaking the chains, someone letting them be. I want someone who can save me when I come home from the zoo. I need somebody who's a sweet communicator. I can give my alligator to. Someone breaking the mind, someone finding a key, someone setting them free. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare to find my key? To my tricks, I need somebody used to dealing with a sinner whenever I get in a fix. Everybody else is busy doing better than me, and I can see why it is they got someone setting them free, someone breaking the chains, someone letting them be. Could you be that person for me? Would you feel right setting me free? Could you dare to find my key? D'accord avec Pascal qui dit sur Facebook, New est vraiment un sacré bon album. Oui, je préfère Jeep Station, mais New pour moi est juste au-dessous. La marche au-dessous, c'est vraiment très très très bon. Je vous propose, dans la saga des Fab Four, de passer à une nouveauté. Bah, une nouveauté franchement neuve, puisque l'album n'est pas encore sorti. Juste, on va dire, le 45 tours, le single, si vous voulez. C'est encore Ringo Starr qui a trouvé des trucs marrants. Rewind Forward, c'est-à-dire rembobiner en avant, quelque part. On peut le traduire certainement comme ça, parce que, il le dit lui-même, Ringo Starr est toujours positif, plein d'envie, plein de choses à faire. Et donc, lui, il est toujours pour le pas trop penser au passé, même si dans ses chansons, il n'arrête pas, et penser à l'avenir. Voilà, bon. Nous allons donc passer cette chanson-là maintenant dans la saga des Fab Four. Mais auparavant, je voulais vous faire savoir que ici, nous sommes au courant de tout. Je sais qui écoute. Je les vois sur mon ordinateur. On est plus nombreux que l'an passé, déjà, pour cette 40e saison qui démarre. Donc, merci. Et un merci particulier à un collègue de travail qui, je sais, m'écoute. C'est Cyril qui m'a envoyé un petit bonjour. Et donc, je lui renvoie à l'antenne. C'est cool d'écouter la saga. Il faut en parler à tout le monde autour de vous. Voici le nouveau single de Ringo Starr, Rewind Forward, sur RG. Propose de retourner en arrière, toujours avec Monsieur Ringo Starr, et cette chanson, Yellow Submarine. J'ai une petite surprise pour vous juste après. Ceux qui sont à l'écoute tout le temps la connaissent, cette surprise, mais les autres peut-être pas. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land. of submarines. So we sailed onto the sun till we found the sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Alors la surprise tient en quelques mots. J'ai toujours pensé que cette chanson, Yellow Submarine, était beaucoup plus faite par Paul McCartney, capable de faire des petites comptines pour enfants, même si John est capable. Et pourtant, John a travaillé dessus. La preuve, voici une cassette du travail de John sur cette chanson, qui, s'il avait continué dans ce sens-là, aurait été beaucoup moins joyeuse, puisqu'il dit « dans la ville dans laquelle je suis né, mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout ». Un truc comme ça. In the place where I was born, no one cared, no one cared. And the name when I was born, no one cared, no one cared. And the town where I was born, no one cared, no one cared. If you run and you come wrong, no one cared, no one cared. In the town. C'était en 1973, The Lord Loves the One That Loves the Lord. Pas trop difficile à dire, et ça veut dire « Le Seigneur aime celui qui aime le Seigneur », donc les autres ne les aiment pas. Retour à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est « New » de Paul McCartney en 2013, il y a 10 ans déjà. Voici un nouvel extrait, « On My Way to Work » sur RIG. On my way to work, I rode a big green bus. I could see everything from the upper deck. People came and went, smoking cigarettes. I picked the packets up when the people left. But all the time I thought of you, how far away the future seemed. How could I have so to work, I bought a magazine inside a pretty girl like to water ski. She came from Chichester to study history. She had removed her clothes for the likes of me. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. Et là, exceptionnellement, parce que Eric n'est pas là, eh bien, on va durer jusqu'à 23h à peu près. On fera toute la playlist. Si ça déborde un peu, ça n'est pas très très grave. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou même en solo. Et même si eux-mêmes, Beatles ou pas, avaient repris une chanson de quelqu'un d'autre, d'un de leurs pères, par exemple Chuck Berry, ou d'autres, puisque George Harrison a fait quelques reprises durant sa carrière solo, et de très bonnes reprises d'ailleurs. Bref, là c'est une nouveauté. Et dans cette nouveauté, il y a à la batterie Ringo Starr, à la basse il y a Paul McCartney, et il y a un petit peu au chant aussi, en deuxième voix, un McCartney bien en forme, vous allez en juger dans quelques secondes. C'est Dolly Parton qui, je crois, a 77 ans, et qui rock encore très très bien. Elle a choisi de faire un album rock. L'album s'appelle Laissez-moi retrouver. Non, c'est pas le nom de l'album, c'est je cherche. L'album s'appelle Rockstar, tout simplement. Il va sortir en entier. Pour l'instant, on n'a eu que 2-3 titres. Voici Let It Be, chanté par Dolly Parton. Et un petit bout de Ringo Starr. Oui, à la batterie, mais de Paul McCartney. Fabrice, restaurateur à Talence et accessoirement grand fan des Beatles. Je suis aussi un auditeur assidu de la saga des Papons, émission fabuleuse que je diffuse tous les mercredis soirs dans mon restaurant au thème des Beatles. afin que le client puisse profiter de la douce voix de Thierry, notre maître de cérémonie. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope. But the flame is getting low. I've been waiting on the other side for your friends to go. You never need to worry about me. I'll be fine on my own. Someone else can worry about me. I spent a lot of time on my own. Alors, la saison 40 de la saga des femmes fortes sur RIG ouvre avec une nouvelle rubrique. Parce que c'est nouveau, c'est beau, et quelquefois c'est bien fait. Lorsque Paul McCartney a écrit cette chanson, Friends to Go, il a dit « J'ai écrit ça et j'ai pensé à George Harrison, je pense qu'il aurait pu chanter cette chanson ». Eh bien, quelqu'un sur le net a permis, grâce à l'intelligence artificielle, de faire chanter George Harrison, et ça donne quelque chose qui, oui, George Harrison aurait pu chanter ça. Alors, si la voix n'est pas forcément parfaite, ça progressera, hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, ça nous permet d'avoir des versions totalement inédites. C'est sympa, juste pour le plaisir de l'oreille. Et rappelez-vous, je le dirai à chaque fois, c'est une fausse chanson faite par l'intelligence artificielle. Voici Friends to Go, la cover faite par l'AI de George Harrison. I've been waiting on the other side. For your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippery slope. I've been climbing up a slowly burning rock. And the flame is getting low. I spent a lot of time on my own. I spent a lot of time. Voilà, on en pense ce qu'on veut, c'est original. Et j'en proposerai de temps à autre, ce ne sera pas toutes les semaines. J'en ai quelques-unes là que j'ai préparées pendant l'été. Parce que je les écoute, si je les estime écoutables et valant le coup, oui. Si je trouve que la voix, on n'arrive pas à reconnaître John ou Paul ou Ringo ou les Beatles ou quoi que ce soit, ou même si je trouve que ça n'est pas intéressant d'entendre l'un des quatre chanter cette chanson-là, je ne la produirai pas dans la saga des Fab Four. On revient à la saga des Fab Four normale, avec en 1973 le nouveau, enfin l'album de John Lennon et son rêve numéro 9, Number 9 Dream sur RIG. Ah bah Waka Waka, poussez, poussez, évidemment. Qui dirait le contraire? Vous êtes bien sur RIG 90.7, la seule émission de radio hebdomadaire de septembre à juin, tous les ans depuis bientôt 40 ans. C'est ici sur RIG 90.7 et il y a plus de 40 ans encore, sur l'album de la semaine qui date de 10 ans, McCartney s'est rappelé, il y a plus de 40 ans donc, d'un jeu auquel il jouait lorsqu'il était gamin, qui consistait à cacher une balle et puis dire qui a la balle, je ne l'ai pas, allez ailleurs, allez ceci, allez cela. Et ça s'appelle, le jeu s'appelait Queenie Eye. La voici, c'est la chanson sur RIG, je bafouille. Après, il y aura par deux fois les Traveling Wilburys. So they need me to turn down. Now I have to do it by myself. 90.7 Heading for the light. I wandered around with nothing more than time on my hand. I was lost in the night with no sight of you. At a time it was so blue and lonely. Heading for the light. That Traveling Wilburys, alias George Harrison, évidemment, Roy Orbison, Tom Petty, il manque qui, Jeff Lynne, et il en reste un, Bob Dylan. Est-ce que j'ai dit les cinq? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, des amis, avec déjà des carrières bien bien faites pour chacun d'entre eux. Et George Harrison avait plein d'idées pour ce groupe dans lequel il n'y avait pas le moindre ego. Personne ne tirait la couverture à lui. Il voulait partir en tournée et, par exemple, être sur un bateau et s'arrêter dans des ports et monter un spectacle très rapidement aux escales, comme ça. Juste pour le plaisir de se retrouver devant du public, très étonné, un peu comme peut-être McCartney au début des années 70 qui chantait dans les universités. Lui, c'était arriver par la mer, faire un concert dans les ports et repartir. Voilà ce qu'il trouvait à faire. Le problème, c'est que Roy Orbison est décédé et ça a fait beaucoup de peine et tout ça. Et surtout, l'emploi du temps de ces grands messieurs a fait que ça n'a pas pu se faire. Bon, ben écoutez, c'est comme ça. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.

On est très loin des She Loves You, yeah, yeah, yeah. Seulement 4 ans avant, en 1963, c'est dingue hein, quand on y pense. I Am The Walrus sur Magical Mystery Tour, le génie de John Lennon au maximum. Ce qui est amusant, c'est que lorsque McCartney arrive avec une chanson, en gros, il dit, alors j'exagère à peine, il dit à George Martin, là, voilà où, de là où on part, voilà où je veux arriver et je voudrais ça, ça, ça dedans. Il a tout prévu. Lorsque John arrive avec une nouvelle chanson des Beatles, hein, je parle du temps des Beatles, il dit à George Martin, alors, voilà ce que j'ai, je voudrais que ça sonne comme si je téléphonais depuis l'espace avec un téléphone portable qui n'a pas encore été inventé et que ça passait sous la mer à 800 km au-dessous et même au-dessous de la croûte terrestre, etc. Et débrouille-toi, George. Et George trouvait quelque chose de bien, qui sonnait bien et qui est vraiment a servi les Beatles comme on n'en fait pas. Le cinquième Beatles pour moi, c'est lui, George Martin. Nous sommes en 1975 sur l'album Extra Texture, Read All About It. Voici Grey Cloudy Lies, George Harrison sur RIG 90.7, la radio des Beatles. On se fait un twist, vous et moi. Voici le Wolfberry Twist. Oh là là, Wolfberry Twist sur RG. On your head, hand on your head, put your foot in the air, foot in the air. Then you hop around the room, hop around the room. In your underwear, in your underwear. There ain't never been nothing quite like this. Come on, baby, it's the Wilbury Twist. Lift your other foot up. Je devrais dire dans deux minutes, je laisse la place à Eric pour son émission Johnny de A à Z. Seulement, Eric n'est pas là, alors il tenait à vous faire un petit coucou quand même. La saga des Fab Four avec Thierry Gallet sur RIG. Hello, this is Paul McCartney. C'est tout. C'est un jingle qui m'a enregistré juste pour moi. Voici Everybody Out There, l'album de la semaine, New Paul McCartney. You haven't got a life when you haven't got a life. Hey, do you want to make a difference? Well, stand in the line. If you haven't got the time, I can give you some of mine. On revient en 1965 sur l'album Help. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone, and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry. Take your time, don't worry. Leave it all till somebody else lends you a hand. Doesn't have a point of view, knows not where. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody, making all his nowhere plans for nobody, making all his nowhere plans for nobody. Même année, mais album suivant, après l'album Help, c'était l'album Rubber Soul, en 1965 toujours, et cette chanson Nowhere Man, dans laquelle John Lennon dit « Je me sens tout seul, j'ai personne, personne ne m'aime, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Il avait un sentiment de solitude assez terrible, hein, quand même. Bien. Voici le temps de la cover. Mais Thierry, on a déjà fait. Oui, je sais, mais c'est une 3XL, l'émission, donc on a le droit d'en faire deux, si on veut. Voici, en 1956, You Can't Catch Me par Chuck Berry. Ensuite, on aura la version de 1975, soit 19 ans plus tard, par John Lennon, sur RIG, forcément. In a little old suit of jitney, I put my foot in my tank and I began to roll. Moaning siren, 'twas a state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn. Bye bye, New Jersey. Baby last Saturday night, wasn't a green cloud floating in sight. Big full moon shining up above. Huddle up, honey, be my love. Sweetest little thing I've ever seen. I'm gonna name you Maybelline. Flying on the beam, set on flight control. Radio tuned to rock and roll. Et maintenant, John Lennon. prolongation aujourd'hui, c'est le début de la 40e saison de la saga des Fab Four, créée arbitrairement en avril 1984, puisque je ne me souviens plus quel mois et quel jour, mais on fêtera ça en avril 2024, on fêtera les 40 ans de cette émission dans la joie et la bonne humeur, j'espère, puisqu'on a fêté les 30 ans il y a 10 ans déjà. Enfin, il y aura 10 ans en 2024. Bref, c'est génial. Et je suis très très content d'être là avec vous, puisque RIG m'a permis de multiplier les auditeurs grâce à Internet. Et merci d'être là, franchement, merci d'être là, c'est génial. L'album de la semaine, c'est l'album New de Paul McCartney en 2013, il y a 10 ans déjà. Voici un autre titre que j'aime énormément, j'adore le riff. I Can Bet sur RIG. Listen to me, we can give it a try. I'll look you straight in the eye and will you tell me what I'm gonna do next. I've even tied it to your imagination. Do you hear me? If you don't understand, I'll take a hold of your hand and will you need me? What I'm gonna do next, I'll even tied it to your imagination. Come and feel it. Let's go back, back, back, back, back. Mommy, don't worry now, Teddy Boy's here, taking good care of you. Mommy, don't worry, oh, Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through. That just goes that. Teddy's gonna see you through. This is the story of a boy named Ted. His mother said, Ted, be good, be good. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad. as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, Mama, don't worry now, Teddy Boy's here, taking good care of you. Mama, don't worry now, Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through. She found herself a man. Teddy turned and ran a whole far away. Oh yeah. He couldn't stand it just to be around, so he left the town far away. Yeah, yeah. Ça, c'est la version travaillée avec les Beatles en 1969. Mais elle a été rejetée de l'album Let It Be. Du coup, qu'est-ce que fait Paul McCartney? Un an plus tard, sur l'album solo McCartney, il la remet, mais chantée tout seul. This is the story of a boy named Ted, if his mother said Ted be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad, and she cried, oh my. Ted used to tell her he'd be twice as good, and he knew he could, 'cause in his head he said, then came the day she found herself a man. Teddy turned and ran far away. Okay. He couldn't stand to see his mother-in-law with another man he didn't know. Oh no. Found a place where he could settle down, and from time to time, in his head, he said, Mama, don't worry now, Teddy Boy's here, taking good care of you. Mama, don't worry, your Teddy Boy's here, Teddy's gonna see you through. She said, Teddy, don't worry now, Mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, your Mommy is here, Mommy's gonna see you through. his mother said, Ted, be good. C'est la fréquence de la station si vous nous écoutez en FM. Si vous nous écoutez sur Internet, ce sera www.rigfm.fr. Il y a un nouveau site d'ailleurs sur RIG, donc je vous conseille d'aller le voir. Que serait une saga de rentrée s'il n'y avait pas ma chanson préférée ? Gently weeps. C'était 1981, j'étais aux États-Unis dans le Tennessee, et je vous assure que cette chanson, All Those Years Ago, par George Harrison, avec Paul McCartney et Ringo Starr sur le disque, elle tournait sur à peu près toutes les radios, on l'entendait à un moment donné ou à un autre, et c'est une excellente chanson, un bel hommage à leur pote John. L'album de la semaine, sur RG. La saga des Fab Four. If you ask her how it's done, she won't know. It's like trying to catch the sun on the water. She tries to explain, then it happens again. Everybody's looking at her. She's got everybody talking about her. She's good. She's kind, she's so refined. But me, I'm losing my mind. Though she haunts me like the sound of the rain, or a river running down to the ocean. I hate to complain, but it's happening again. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Animateur radio, un homme et le Zoo Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, With a Little Help from My Friends, and Lovely Rita sur RIG 90.7. C'est vraiment la radio des Beatles le mercredi soir. Vous ne trouverez pas d'autres radios en France qui diffusent de manière hebdomadaire entre 20h et 22h le mercredi une émission axée sur les Beatles de 1962 avec le départ de Love Me Do jusqu'à maintenant le dernier 45 tours, ou le dernier single, on va dire, sorti par l'un d'entre eux. Par exemple, Ringo Starr, on a entendu dans cette émission Rewind Forward, qui est nouveau et qui est dans la saga des Fab Four. On continue avec Rock'n'Roll People sur RIG. Ensuite, ce sera déjà l'avant-dernier album de la semaine de Paul McCartney, l'album New, et ce sera Turned Out, dans quelques secondes, juste après celle-ci. chanson rejetée de l'album Rock'n'Roll en 1975 et parue en 86 sur Main Love Avenue. Voici l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine. Voici Turned Out sur RIG. Go fast. cette chanson à 20 ans, mais 2003, sur l'album Ringorama, quand Ringo Starr tambourine comme un malade sur ses fûts. Et c'est une très très bonne chanson que j'ai adorée en son temps et que j'aime toujours, il n'y a aucun problème. Je vous propose de faire redescendre la pression avec une chanson que j'ai découverte il y a peu de temps. C'est George Harrison qui reprend une chanson de 1979 de Charlie Dor. Franchement, je ne sais pas qui c'est, mais ça donne Fear of Flying. C'est une chanson extrêmement sympa qui est restée inconnue jusqu'à il y a très peu de temps. Fear of falling, and I hear. une chanson de l'excellent album Stop and Smell the Roses de 1981 de Ringo Starr. Cette chanson avait déjà été interprétée du temps des Beatles, mais Ringo a voulu la reprendre en 81 et c'est très bien. On arrive à la fin de l'émission, il nous reste une chanson, un extrait, le dernier de l'album de la semaine. C'est Road sur RIG 90.7. Quelques minutes, mais il faut aller se coucher. Merci d'avoir écouté cette première émission de la 40e saison. C'était la saga des Fab Four numéro 570 sur RIG. Il y en a eu bien d'autres avant, sur d'autres radios et pendant des années. Et je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très très bientôt. N'oubliez pas, quand Eric n'est pas là, il est fréquent qu'il y ait un petit bonus juste après le générique. À très bientôt. Salut. Parlez-en autour de vous. La saga des Fab Four, c'est uniquement ici. 90.7, la radio des Beatles. www.rgfm.fr. Just a